Chapitre 6e. La mort de Triple Flèche. La rage et l'effroi qui saisirent Jack Carters lorsqu'il vit ses gens sauter en l'air et qu'il comprit que Buffalo Bill triomphait de lui, aucune plume ne peut les décrire. Le bandit à la barbe noire se jeta à terre, s'arracha les cheveux, crispa ses poings, jusqu'à ce que Hankins vint se pencher sur lui et lui dit « Tu es un fou, Jack Carters. Avant tout, félicite-toi de n'avoir pas eu la niaiserie de poursuivre Buffalo Bill toi-même. Autrement, je ne donnerais pas un rouge liard de ton existence. Dieu me damne !» poursuivit le sang-mêlé. « C'est un fameux tour de la part de Buffalo Bill, et qui te coûte 80 hommes au bas mot, car de ceux qui ont passé de l'autre côté, personne ne revient. » Et en effet, il ne revint personne. Les eaux jaunes et limoneuses du Robbie Creek apportèrent bien sur les grèves de l'île des ours des cadavres et des survivants grièvement blessés. Mais Jack Carters ne s'inquiétait pas des blessés, il les abandonnait à leur sort. En tout, il commandait encore à 10 hommes, 7 Cheyennes et 3 membres de son ancienne bande. « Voyons, consultons-nous sur ce qu'il y a à faire, » reprit Hankins. « Dans tout danger, le point capital est de ne pas perdre la tête. »« Je l'ai perdu déjà, » répondit Jack Carters. « Quant à toi, sans mêler, tu parais croire notre situation beaucoup plus facile qu'elle ne l'est réellement. Pense donc que nous nous trouvons dans une île au milieu de l'eau, qu'il n'y a qu'un chemin pour gagner la terre ferme et que ce chemin, c'est le gué, dont la sortie est défendue par Buffalo Bill et ses gens. » Et puis ne pouvons-nous pas nous attendre à tout moment à ce que ceci arrive dans l'île? En ce cas, nous sommes tous perdus. Ma foi, il vaudrait peut-être mieux se loger soi-même une balle dans la tête. Sottise, s'écria Hankins, nous ne sommes pas encore perdus, et nous ne le serons pas. Il faut chercher à sortir de l'île sans être vu. Buffalo Bill, tel que je le connais, va attendre tranquillement le matin avant de renouveler son attaque, car il tient beaucoup à nous prendre vivants. Pour nous faire pendre publiquement à l'agence, gémit Jack Carters. Ah, Hankins, ce sera notre sort. Si nous nous abandonnons, reprit Hankins avec fermeté. Écoute-moi, Jack Carters, j'ai déjà formé mon plan. Nous ne possédons pas de bateau qui puisse nous transporter un bout de chemin sur le Robbie Creek. Eh bien, il faut construire cette nuit un radeau. Et si nous réussissons à l'avoir prêt avant le jour, Buffalo Bill ne saura plus où nous trouver. Un radeau, voilà une idée, s'écria Jack Carters, redevenu joyeux. « En avant, au travail, les hommes. Que chacun de vous s'y mette de si bon cœur que la sueur coule de toutes vos pores. Il y va de la vie, cette fois. » Tous se mirent donc à la besogne avec ardeur pour l'établissement d'un radeau. Il y avait dans l'île assez d'arbres faciles à abattre et dont on pouvait sans grande peine réunir les troncs. Cependant, Hankins continua à dérouler son plan à son ami Jack Carters. On descendrait la rivière sur un assez long parcours pour aborder un endroit favorable et de là se rendre au campement des Cheyennes où l'on serait en sûreté. Alice et Lottie avaient observé de leur tente tout ce qui venait de se passer. Ah, comme elles avaient tremblé pour Buffalo Bill et Tom Towners lorsqu'elles les avaient vus soutenir dans l'eau cette effroyable lutte contre un si grand nombre d'ennemis, et comme elles avaient triomphé en assistant à l'infernale explosion et en entendant le cri d'agonie des voleurs et des Cheyennes. « Voyez-vous, le ciel ne nous a pas entièrement abandonnés, » dit Alice à son amie. « Croyez-moi, aux premières blancheurs du matin, nous serons près des nôtres. »« Ah, j'ai le cœur si gros, » répondit Lottie, « je ne peux pas croire au salut. » Elles ne tardèrent pas à remarquer la fièvre aux activités que voleurs et indiens déployaient à construire leur radeau. « Que se passe-t-il ? » demanda Alice au jeune indien Triple Flèche. « C'est un radeau qui se construit, » répondit-il. « Un radeau. Ah, veulent-ils donc nous emmener furtivement sous le voile de la nuit ?» demanda Alice avec anxiété. « C'est le dessein de Jack Carters, » répondit l'Ogalala. « Et je ne pourrai pas l'empêcher. Tant qu'il ne vous touche pas, Blanchefleur, je n'ai pas mandat de ma reine de m'opposer à lui. »« Si près du salut ?» s'écria Alice en se tordant les mains. « Voir se briser toutes nos espérances. Oh, Triple Flèche, sauvez-nous, montrez-nous le chemin de la fuite. » « Je ne connais pas de chemin, » répondit Triple Flèche tristement. « Ah, si Buffalo Bill savait ce que ce coquin de Jack Carters projette, il l'empêcherait bien de quitter l'île avec son radeau. »« Mais il ne le sait pas, » fit Lottie sanglotant, « et alors nous sommes perdus. »« Si nous pouvions lui envoyer un message, » reprit Alice après un court silence, et tout à coup elle saisit la main du jeune indien. « Triple Flèche, passez la rivière à la nage et faites savoir à Buffalo Bill qu'il faut qu'il se hâte, qu'il faut qu'il vienne dans l'île tout de suite, car autrement il sera trop tard. « Vous me demandez ma vie, Blanche-Fleur, » fit le guerrier au Galala à voix basse, en posant sur Alice un regard d'admiration fanatique. « Mais ma vie vous appartient. Si Jack Corters remarque que je m'éloigne de l'île, il m'enverra une balle par derrière, et ce sera fait de moi. » « Ah, votre vie m'est chère, mais que dois-je faire? Nous sommes sûrement perdus si nous n'avertissons pas Buffalo Bill. » Le jeune guerrier indien s'inclina, pressa la blanche main d'Alice contre son front et dit « Je pars. Je vais vers le grand guerrier Buffalo Bill. Je lui dirai qu'il faut qu'avec ses hommes, il prenne l'île d'assaut immédiatement, car lorsque le matin blêmira, il ne vous trouvera plus ici. Mais vous, Blanche-Fleur, adieu, prospérez, et si le grand esprit veut que je ne vous revoie pas, sachez que Triple Flèche vous a aimé. » Les deux amis se tenaient embrassés, debout devant la tente. Elles regardèrent la figure sombre qui s'éloignait. Elle la vit ramper dans les hautes herbes et se rapprocher de la rive. Pendant ce temps, Jack Corters et Hankins étaient occupés au radeau qui semblait rapidement prendre forme. « Il est au bord de l'eau, » murmura Alice à l'oreille de sa compagne. « Tout va bien. Ne doutez plus, Lottie. Triple Flèche arrivera sans encombre auprès de Buffalo Bill, et un quart d'heure après, nous serons délivrés. »« Maintenant, j'espère aussi, » s'écria la femme de Tom Towners. « Ah, je prierai Dieu qu'il protège le jeune Ogallala. »« Entendez-vous ? » fit Alice à voix plus basse. « Comme l'eau a rejailli. Triple Flèche s'est jeté dans la rivière. Ah, il plonge. Il lutte contre les vagues, mais c'est un nageur de premier ordre. Il s'approche de plus en plus de l'autre bord. Il n'est plus qu'à une portée de fusil de la rive. Miséricorde de Dieu ! Qu'est-ce que c'est ? Malheur ! Nous sommes perdus, toutes les deux. Nos amis ont tiré sur Triple Flèche. » Alice chancela en arrière, et pour la première fois de sa vie peut-être, elle pensa s'évanouir. Lottie entoura son amie de ses bras caressants, et Alice reprit ses sens, la tête sur son sein. « Voyez-vous quelque chose ? » dit-elle, encore tremblante, en promenant elle-même ses regards sur la surface de l'eau. « Je ne vois plus rien, » répondit Lottie. « Je crois que les vagues ont englouti le malheureux Ogallala. » « Il est mort pour nous, » s'écria Alice en sanglotant. « Pour moi, car je le sais, il me l'a dit. Je l'avais lu dans ses yeux sincères, il m'a aimé. » « Le radeau est prêt, » retentit à ce moment la voix de Jack Corters derrière elle. « En avant les filles, ne tardez pas. Il nous faut quitter l'île des ours, il est grand temps. Et si nous refusons à aller avec vous ?» dit Alice, méprisante, rejetant en arrière d'un air de défi sa tête aux blondes boucles. « Si vous vous refusez, » répéta Corters avec un rire dédaigneux, « je ne vous conseillerais pas de vous refuser, car alors nous célébrerions nos noces ici même. À ce prix, je reste jusqu'à l'aube dans l'île des ours. »« Cédez, » murmura Lottie. « De notre misérable situation, nous ne pouvons rien faire que nous soumettre, du moment que cela empêche quelque chose de pire. » Alice laissa retomber sa tête sur sa poitrine et suivit Jack Corters avec Lottie. Il les conduisit à l'endroit de la rivière où le radeau se balançait déjà sur l'eau. On n'aurait pas pu faire un long voyage sur ce radeau, qui était construit d'une façon plus que primitive, mais Corters avait simplement l'intention d'emmener les prisonnières à une heure de navigation de l'île des ours, et puis de poursuivre la route par terre. Pour un tel dessein, cette esquive peu solide était encore assez bon. Alice et Lottie s'y embarquèrent. On leur ordonna de s'asseoir sur une botte de paille de maïs qu'on avait apportée là pour leur commodité. L'esquive branlant portait en tout 14 personnes, Jack Corters, Hankins, Lottie, Alice et les 10 hommes de la bande, dont 7 Indiens Cheyennes. La nuit était sombre, son voile obscur couvrait la rivière et le radeau glissait sans bruit sur les vagues. Des avirons que les Indiens savent habilement manier servaient à le pousser et à le maintenir dans le courant. Hankins s'était accroupi devant les deux femmes. Il tenait son revolver à la main et il leur avait déclaré qu'au premier cri qu'elles pousseraient, il les tuerait. Et toujours davantage, le radeau s'éloignait de l'île des ours jusqu'à ce que derrière les fugitifs, elle s'effaçât dans le brouillard et la nuit. C'était une faute capitale que Buffalo Bill avait commise en ne risquant pas, dès que la mine eut presque exterminé la bande de Corters, une attaque immédiate contre l'île des ours. mais il avait ses raisons pour s'y résoudre. Non seulement ces hommes étaient fatigués par la marche et le combat, mais ils n'avaient presque pas dormi la nuit précédente et ils voulaient leur procurer quelque repos. Les gens de Robbie Creek avaient donc établi un campement dans la forêt, pas trop loin de la rive, et comme, d'après l'ordre de Buffalo Bill, ils ne pouvaient même pas allumer du feu pour faire un peu de café, ils s'étaient contentés d'allonger leurs membres dans l'herbe molle. Naturellement, Buffalo Bill n'avait pas oublié les précautions qui sont de règle. Il avait établi deux postes pour la garde du camp. Un cow-boy devait en occuper un, et Joe Bevins s'était offert en volontaire pour l'autre. « Soyez sûr, Cody, avait dit Joe Bevins en prenant sa garde, que je tiendrai mes yeux ouverts. Ah, j'en ai passé des nuits de garde quand je servais dans les troupes de l'Union. Il ne sortira pas une quedra de l'île pour venir vers nous sans que je m'en aperçoive. » Buffalo Bill savait qu'il pouvait s'en remettre à Joe Bevins. Il se laissa donc couler lui-même dans l'herbe haute, s'enroula dans une couverture et résolut de s'accorder au moins 2 heures de repos. Au matin, il emporterait énergiquement d'assaut l'île des ours pour arracher aux voleurs leurs victimes. Buffalo Bill ne savait pas depuis combien de temps il dormait lorsque le crépitement d'une carabine frappa son oreille et le réveilla. Il comprit tout de suite que cette détonation devait provenir du fusil de Joe Bevins. « Debout, compagnon » cria-t-il. « C'est probablement une surprise. Il faut rapidement nous porter au secours de Joe Bevins. » Tous saisirent leurs fusils et coururent aussi vite qu'ils le pouvaient vers le bord de l'eau. « Hé, pourquoi ne dormez-vous pas ?» leur cria Joe Bevins, d'un ton de bonne humeur, sa carabine fumante à la main. « Ça ne valait vraiment pas la peine de troubler votre sommeil. »« Qu'est-il arrivé ?» demanda Buffalo Bill. « Pourquoi avez-vous tiré? A-t-on bougé dans l'île ?»« Bougé, pas le moins du monde, » répondit Joe Bevins. « De l'autre côté, tout est tranquille comme dans une église. Mais un de ces misérables chiens de Cheyenne a essayé de traverser l'eau, envoyé sans doute par Jack Carters pour nous espionner. J'ai vu un corps sombre surgir des vagues. J'ai mis le gaillard en joue. Voyez comme j'ai bien tiré, son corps flotte sur l'eau. » Et en effet, les vagues apportaient rapidement un corps sombre vers les hommes de Robbie Creek. « Il est raide mort, » assura Joe Bevins. « Je crois que je lui ai fracassé le crâne. » Par le diable, qu'y a-t-il de meilleur qu'un morceau de fer quand on peut l'enfoncer dans la caboche d'un Indien Cheyenne ?»« Moi, je crois qu'il n'est pas mort, » fit Buffalo Bill. Il remue encore les bras et cherche à nager. « Je considère que nous sommes tenus de lui porter secours. » Peut-être pourra-t-il nous renseigner sur ce que deviennent les deux femmes. » Buffalo Bill ordonna à un cow-boy de détacher une cordelette que celui-ci portait enroulée autour de lui et de l'acheter à l'Indien. Le blessé eut encore la force de saisir le bout de cette corde et les hommes le tirèrent hors de l'eau jusqu'à la rive. « Vous lui avez trouvé la poitrine, » dit Buffalo Bill à Joe Bevins. « Je crois que le gaillard a son compte. En avant, nous allons le porter sous bois à notre campement. » Là, je regarderai sa figure et je verrai ce qu'il y a tiré de lui. » Deux cow-boys prirent l'Indien sur les épaules et le portèrent dans la forêt. Ce transport ne dura pas longtemps, et un signe de Buffalo Bill, ils étendirent l'Indien blessé sous la couverture même dans laquelle le chasseur de Kansas avait dormi tout à l'heure. Alors Buffalo Bill fit allumer quelques éclats de sapin, mais à peine leur lumière fut-elle tombée sur le corps du porc rouge gisant à terre, que Buffalo Bill poussa une exclamation de surprise douloureuse. « Qu'avez-vous fait, Joe Bevins ? » s'écria-t-il d'un ton de doux reproche. « Vous avez blessé à mort notre meilleur ami ? » « Non, malheureusement, ce n'était pas un Cheyenne qui voulait traverser le Rebecca Creek pour venir à nous. C'était le fidèle Triple Flèche, l'Ogalala, le messager qu'Alana nous envoyait. » Nul ne pourrait décrire la triste stupéfaction des hommes de Robbie Creek pendant que Buffalo Bill leur donnait ses explications. Joe Bevins était dans un vrai désespoir. Il maudissait l'invention de la poudre à canon, son inventeur et l'heure où lui-même avait appris à connaître ce présent du diable, comme il disait. « C'est clair, » reprit Buffalo Bill, cruellement ému. « Triple Flèche voulait nous apporter des nouvelles d'Alice et de Lottie, et c'est pour cela qu'il a entrepris de passer l'eau à la nage. » Pauvre Ogalala, si jeune, si beau, et déjà frappé de mort. Mais peut-être tout secours n'est-il pas impossible ? Continua-t-il en s'agenouillant près de l'Indien sans connaissance. Peut-être pourrons-nous extraire la balle de la blessure et lui faire un pansement. J'ai les choses nécessaires dans ma poche sur moi, dit alors le vieux Enfield. « Silence, il s'éveille !» fit Buffalo Bill d'une voix qui expirait sur ses lèvres. « Il ouvre les yeux !» Puis, plus haut, « Triple Flèche, mon ami, mon frère rouge, tu nous vois malheureux, désespérés, que l'un des nôtres ait dirigé son fusil sur toi !» Le blessé à mort lentement se souleva à demi, mais bientôt ses yeux devinrent fixes, un tremblement parcourut son corps, c'était le frisson de la mort qui le secouait. « Au campement des Cheyennes !» dit le moribond d'une voix coupée de hoquet. « Hâtez-vous ! Hâtez-vous ! Un radeau ! Alice, Loti, au campement des Cheyennes, à la roche du mauvais esprit, Alice, Blanche-Fleur, mon baiser !» Le corps du malheureux se contracta douloureusement. Il ouvrit les bras tout grands, comme s'il voulait y enfermer la bien-aimée pour la presser sur son cœur. Puis il se renversa en arrière, et les ombres de la mort voltigèrent sur sa face. Un silence profond régnait dans le cercle qui s'était formé autour de lui. Les flammes des copeaux de sapin éclairaient d'une lumière rouge et fuligineuse ce triste spectacle. « C'est un héros qui est mort ici !» s'écria enfin Buffalo Bill, réprimant péniblement ses larmes. « Laisse-moi te serrer la main encore une fois, vaillant jeune guerrier. S'il est vrai qu'il existe des territoires de chasse éternelle, où sortir après la mort les héros pour y goûter une vie nouvelle de félicité et de joie, ils te seront ouverts, ces territoires invisibles, car tu as été sur la terre parmi les meilleurs, les plus purs et les plus nobles. » Et lorsque Buffalo Bill se fut incliné et eut serré la main du mort, les hommes de Ruby Creek s'avancèrent l'un après l'autre et rendirent au jeune Indien le même honneur. « Ici, sous ce vieux chêne, nous allons l'enterrer. Vite, creusez une fosse, nous n'avons pas de temps à perdre. Le dernier souffle de ce noble mort nous a indiqué le chemin que nous devons prendre pour délivrer Alice et Loti. Le gueux de Carter s'est rendu au campement des Cheyennes sur un radeau, à la faveur des ténèbres. Je connais les roches du mauvais esprit, je saurai trouver le chemin. » Quelle triste besogne que de coucher dans la terre glacée un jeune homme prématurément frappé dans la grâce de la vie en fleurs, dans la force d'un sang généreux. Cette triste besogne, les hommes de Ruby Creek l'accomplirent tristement et avec toute la célérité possible. Le jeune Ogallala reposa bientôt dans sa tombe, où ils mirent à côté de lui son tomahawk, puis Buffalo Bill fit faire au-dessus un monticule de terre. Il y dit une courte prière que les autres écoutèrent pieusement, et ainsi se terminèrent les funérailles dans la forêt vierge. À cheval, ordonna Buffalo Bill, et bientôt tous furent en selle. Ils allaient comme emportés par le vent, mais longtemps encore ils jetèrent en arrière des regards attristés vers cette tombe dans les bois, où Triple Flèche, l'Ogallala, dormait pour l'éternité son sommeil sans rêve.